Bismillah, salatu salamu ala Rasulillah. Bon, Allah, qui nous a choisis, nous a élus parmi toutes ses créatures et nous a guidés sur la bonne voie par le corps. Le Très-Haut qui a dit, ton Dieu a jugé que tu ne dois vénérer que lui et tes parents qui te prendront le soin. Nous louons le Très-Haut et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, Allah l'unique, qui n'a pas d'associé, et qui nous a fait de l'obéissance des parents une obligation. Il nous a interdit leur désobéissance et leur maltraitance. À ce propos, il a dit, et ne leur dis pas offre et ne les brutalise pas. Il nous recommande d'être humbles avec nos parents, d'être clément avec eux et de prier à Allah pour qu'il leur accorde sa miséricorde. Nous témoignons que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager, Seigneur des puissants, qui a dit, le paradis est sous les pieds des mères. Serviteur d'Allah, traitez bien vos parents, vos enfants vous traiteront bien. Respectez les femmes des autres, vos femmes seront respectées. Sachez que la malédiction d'Allah est dans la malédiction des parents, et que vous n'aurez sa bénédiction que si vous êtes béni de vos parents. Bien prendre soin des parents, il n'y a rien de tel pour qu'Allah bénisse votre longévité. Allah a vos noms. Il connaît le jour de votre mort. Il vous a été ordonné ce qui a été ordonné par vos prophètes. Et il n'y a pas un prophète à qui il n'a pas été ordonné de bien traiter ses parents. Trois n'iront pas au paradis. Celui qui boit du vin tout le temps, celui qui n'obéit pas à ses parents, et celui qui accepte chez les siens ce que la loi réprouve. Celui qui désobéit à ses parents ne sera pas obéi par ses enfants. Tu seras traité comme tu as traité les autres. Celui qui fait le mal sera récompensé par le mal. Autrement dit, on récolte ce qu'on a semé. Nous avons recommandé à l'humain de prendre soin de ses parents. Sa mère l'a porté et mis au monde malgré elle. Et cela a été très pénible pour elle. La grossesse et l'accouchement ne sont pas faciles. Alors, obéissez aux recommandations d'Allah quand il dit « Allah vous interdit la désobéissance des mères. D'enterrer vivant des filles et de demander et de refuser de donner. » Toi, musulman, comment pourrais-tu maltraiter ta mère qui t'a péniblement porté pendant 9 mois, et qui a souffert en te mettant au monde, et qui t'a donné le sein jusqu'à ton sevrage, 2 ans. Et il l'a fait avec beaucoup de patience. Elle peut rester sur sa faim pour que toi, tu sois rassasié. Elle veillait pour que toi, tu puisses dormir. Elle se fatiguait pour que toi, tu puisses te reposer. La nourriture était dans son sein, son lait. Ton logement était ses bras. Ta monture était son dos. Elle t'aime, elle prend soin de toi. Si tu meurs, tu voyages ou t'arrives à malheur, elle est triste et prie pour toi. Prends garde alors à ne pas la maltraiter et tu seras parmi les perdants dans ta vie et après ta mort. Parmi les signes de la fin du monde, c'est quand l'homme obéit à sa femme et désobéit à sa mère. C'est quand l'homme traite bien son ami et elle s'éloigne de son père. L'homme est maudit quand il prend soin de ses ennemis et fait du mal à ses proches qui s'éloignent d'eux. Nul ne peut se vanter après Allah avec son Fils, parce qu'il est la voie de son existence et de sa vie, de l'amour qu'il a pour lui, pour l'éducation qu'il lui a donnée et pour la nourriture qu'il lui a procurée. Et l'enfant, quand il grandit, il souhaite la mort de ses parents, alors que nous souhaitons la vie. Abba, maudit celui qui maudit ses parents, ou celui que ses parents maudissent, qu'Allah maudisse celui qui maltraite sa mère. Dans un hadith, il a été dit, de tous les péchés, Allah en remet au jour du jugement dernier ce qu'il veut. Sauf la désobéissance des parents, Allah châtie son honneur de son vivant avant sa mort. Plusieurs mères sont satisfaites du peu qu'elles reçoivent de la part de leurs enfants. Un mot gentil ou un sourire sont d'un grand effet sur elles. Il y a des veuves qui ont des moyens limités et des orphelins à charge. Elles font ce qu'elles peuvent pour nourrir et habiller leurs enfants. Pour cela, elles travaillent dur. Elles acceptent d'être des bonnes à tout faire, à passer la serpillière et le balai chez les autres. Et quand l'enfant grandit, il tourne le dos à sa mère et dépense ce qu'il a dans les bars et chez les femmes de mauvaise vertu. Ta mère musulmane t'élève et te nourrit petit et grand, et toi, devenu riche, tu l'humilies. Et si tu es pauvre, elle fait ce qu'elle peut pour toi et tes enfants. Il se peut que tu sois un peu généreux avec elle, alors tu te vends du peu que tu lui donnes, et tu le considères comme beaucoup. Il arrive, une vieille mourant désespère de la vie, il lui a tout pris. Elle n'a plus qu'à voir comme proche de lui cœur. Elle avait mis ses espoirs dans ses enfants, desquels elle attendait une reconnaissance. Elle pensait ils allaient la mettre à l'abri des malheurs du destin. Mais ses enfants l'abandonnent à son sort, détournés d'elle par l'argent des enfants et des épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la désobéissance aux parents est parmi les grands péchés. Allah sallallahu alayhi wa sallam également dit parmi les grands péchés, un homme qui insulte son père. Et puis quelqu'un a demandé au prophète s'il était possible qu'un homme insulte ses parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit oui. Il insulte le père de quelqu'un et celui-ci insulte son père. Il insulte sa mère, puis l'autre lui rend l'insulte en insultant sa mère. Autrement dit, en insultant les parents des autres, vous les poussez à insulter les vôtres. Donc, d'une façon indirecte, vous insultez vos parents en insultant les parents des autres. Il est arrivé qu'un homme demande l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller au djihad, à la guerre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda si ses parents étaient vivants. Il répondit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond non, ton jihad est en eux. Autrement dit, s'occuper de ses parents est une forme de jihad. Un autre demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parmi les gens mérite mon agréable compagnie, mérite que je sois agréable, le plus agréable avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond ta mère. Et qui d'autre? Le prophète insiste ta mère. Et puis qui d'autre? Le prophète veut dire ton père. Autrement dit, c'est avec tes parents qu'on va être le plus gentil, le plus agréable et encore plus avec ta mère. Serviteur d'Allah, écoutez ces paroles et celles de son messager. Et repentez-vous. Car celui qui se repent et fait de bonnes actions, Allah pardonne ses péchés et leur récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.